Section 7 de La Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Stéphanie. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 7. La battue au loup. Le lendemain, pendant les premières heures de la matinée, une foule immense affluait à Mercoire. Le ban publié par les États de la province, la prime énorme promise à l'heureux chasseur qui abattrait la bête du Gévaudan, et plus que tout cela le désir ardent de délivrer le pays du monstre qui causait tant de maux, décimait tant de familles, avait déterminé ce concours extraordinaire. Au dire des historiens, plus de 30 paroisses du Gévaudan, du Rouergue et de l'Auvergne s'étaient levées en masse pour assister à cette battue. Des populations entières arrivaient incessamment conduites par leur seigneur ou même par leur curé. On voyait dans ces groupes jusqu'à des femmes et des enfants. Parmi ces chasseurs, les uns portaient des fusils, des pistolets, des tromblons. C'étaient ceux qui aspiraient aux fonctions de tireurs dans la battue annoncée. Les autres, beaucoup plus nombreux, avaient seulement des bâtons pour frapper sur les broussailles, ou bien des cornes de bœuf, des crécelles, des trompettes fêlées, des tambours et jusqu'à des chaudrons hors de service. Tous instruments propres à faire un vacarme infernal. Ces gens devaient se contenter des fonctions plus modestes de traqueurs ou rabatteurs. Du reste, les chasseurs de l'une et de l'autre catégorie, obéissant à la consigne sévère de La Roche-Boisseau, qui, en sa qualité de lieutenant de louveterie, devait commander toutes les manœuvres, gardaient le silence en attendant l'heure d'agir. Aucun cri, aucun son de cor ou d'aboiement de chien n'avait encore éveillé la vigilance des animaux sauvages dans la profondeur des bois. On comprend sans peine que cette foule considérable n'avait pu trouver d'asile ni dans le village de Mercoire ni dans le château, encombré de monde depuis la veille. Quelques gentilshommes seulement avaient été invités à se réunir aux personnes de distinction qui recevaient l'hospitalité de Mademoiselle de Barjac. Les autres chasseurs campaient par tribu, soit sous les grands arbres de l'avenue, soit sur l'espèce d'esplanade qui s'étendait devant le manoir. Et des gardes forestiers, des piqueurs, revêtus de l'uniforme bleu de la louveterie, se promenaient au milieu de cette multitude bariolée pour maintenir l'ordre. Comme ces braves gens, venus de fort loin pour la plupart, avaient apporté leurs provisions de bouche, le couvert était mis çà et là sur des manteaux, et l'on déjeunait avec autant de gaieté que d'appétit. Le temps était assez beau, mais brumeux, et le soleil avait peine à percer le brouillard. On ne distinguait que confusément la forme des montagnes les plus voisines, et cette circonstance pouvait faire manquer la battue, en ce qu'elle permettrait peut-être au loup de se dérober à la vue des tireurs. Néanmoins, on ne désespérait de rien. Chacun se vantait de prouesses qu'il allait accomplir. Si le hasard le favorisait, traqueurs et tireurs, animés par le récit des méfaits de l'animal scélérat, attendaient avec une extrême impatience l'ordre de se mettre en marche. Mais le temps se passait, et l'ordre n'arrivait pas. Cette inaction inquiétait les moins expérimentés, incapables de comprendre que le succès de l'attaque dépendit surtout des opérations préliminaires. La Roche-Boisseau était partie depuis le matin, avec un excellent limier et quelques veneurs habiles pour faire le bois, c'est-à-dire pour s'assurer si la bête se trouvait encore dans la forêt de Mercoire, et pour reconnaître dans quelle partie de cette forêt elle s'était réfugiée aux approches du jour. Mais ni le baron, ni aucun de ceux qui l'accompagnaient n'avaient encore paru, et tant qu'il ne serait pas de retour, il était impossible de tenter quelque chose, car on eût risqué de compromettre le résultat de l'entreprise. Enfin, vers les 9 heures, au moment où l'on commençait à croire que veneurs et limiers avaient été dévorés par la terrible bête, un petit groupe de 3 ou 4 personnes, dont l'une conduisait en laisse un magnifique chien courant, sortit du bois et se dirigea vers la foule. Aussitôt, tout fut en rumeur. On avait reconnu le lieutenant de louveterie, lui-même à son brillant uniforme. On l'entoura, on le pressa de questions. Avait-il trouvé la bête? Dans quelle portion du bois était-elle cantonnée? La chasse devait-elle réussir? Mais le baron ne semblait pas avoir ni le loisir ni la volonté de répondre. Il se contenta de donner d'une voix brève ses ordres aux piqueurs et aux gardes, qui se mirent aussitôt en devoir de les transmettre aux chasseurs. Dès qu'il vit tout le monde sur pied, La Roche-Boisseau, sans s'inquiéter des salutations et des marques de respect qu'on lui prodiguait, s'avança rapidement vers le château. En ce moment, la noble compagnie de Mercoire vaquait aussi à l'agréable occupation du déjeuner. De vastes tables étaient en permanence dans le salon et la salle à manger. Les veneurs, déjà en costume de chasse, les uns debout, les autres assis, faisaient bruyamment honneur au repas. Mademoiselle de Barjac, toujours vêtue de sa robe d'amazone, la tête nue, allait continuellement d'une table à l'autre, au grand désespoir du chevalier de Magnac et de la sœur Magloire, qui ne pouvait la suivre. Christine se montra fière et heureuse de tout ce mouvement, de tout ce bruit. Elle causait, elle riait. Son visage vermeil exprimait la plus franche gaieté. Elle ne semblait plus se souvenir du pauvre jeune homme blessé qui lui avait, peu d'heures auparavant, causé de si vives alarmes, et qu'elle avait porté dans ses bras. Seulement, elle manifestait une sorte de confusion quand, par hasard, on faisait allusion à sa brusque retraite de la soirée précédente. Dès que parut le baron de la Roche-Boisseau, le front baigné de sueur et les vêtements humides de la rosée matinale, tous les regards se tournèrent vers lui. Toutes les voix l'interrogèrent à la fois. « Bonne nouvelle, ma charmante châtelaine !» s'écria-t-il en saluant Christine qui s'avançait curieusement comme les autres. « Bonne nouvelle, messieurs les veneurs! Vous avez 10 minutes pour achever votre déjeuner, pour aller prendre vos fusils et pour vous rendre au poste du bois brûlé, là-bas dans les fonds de la Monadière. « Vous avez donc détourné la bête ? » demanda-t-on avec empressement. « Par la grâce de Dieu et de Saint-Hubert, le patron des chasseurs, » reprit le baron, « au bois brûlé, buisson d'une 30aine d'arpents, j'ai eu connaissance d'un loup qui, si j'en juge par un beau revoir, est grand, vieux et de la plus énorme taille. Après m'être assuré que l'animal n'avait pas vidé l'enceinte, j'ai fait entourer le buisson en silence pour empêcher le compagnon de nous brûler la politesse. Maintenant, traqueurs et rabatteurs sont en marche pour ce canton, où mon premier valet de vénérie, le père Laramé, va les placer à mauvais vent. Pour nous, comme je vous l'ai dit, il nous faut être dans 10 minutes à nos postes de tir, car la bête effrayée serait capable de nous fausser compagnie, avant que nous ayons eu le temps d'aller frapper à la brisée. » Des vivas, des félicitations accueillirent ce rapport. La plupart des chasseurs présents sortirent aussitôt pour courir au rendez-vous indiqué, espérant sans doute que les premières arrivées auraient les places les plus avantageuses. Quant au baron, en homme qui comprenait le prix du temps, il avança le bras par-dessus la tête d'un convive obstiné, saisit un morceau de pain et de jambon, et se mit à déjeuner debout, tout en répondant distraitement aux questions dont on l'accablait. Comme ce repas quasi-militaire tirait à sa fin, Mademoiselle de Barjac s'approcha, tenant à la main un verre de muscat de Lunel. « Vous permettrez bien à la dame de Séan de vous offrir le coup de l'étrier, mon cher baron, » dit-elle en lui présentant le verre d'un air souriant. « Vous avez déjà vaillamment besogné pour son service ce matin, et la journée sera rude, je crois. » La Roche-Boisseau s'inclina profondément, et afin de reconnaître la politesse de Christine, il vida le verre d'un trait. Un autre dirait que notre gracieuse châtelaine veut enivrer ses hôtes d'amour et de vin, reprit-il. Mais elle ne permet pas de pareille galanterie. J'aime donc mieux lui demander si elle se souvient encore de sa promesse d'hier au soir. Morbleu, si je m'en souviens! N'est-ce pas mon devoir, comme maîtresse en ce domaine, de suivre le chef de la chasse? Je m'attache à vous, baron, et je ne vous quitte pas. La Roche-Boisseau était ravie de cette persistance, qui comblait ses vœux secrets, mais il eut grand soin de n'en rien faire paraître. Mademoiselle, reprit-il, mon poste sera toujours en avant de la première ligne de tireurs, et sous le couvert, les accidents ne sont malheureusement pas rares. Mais je m'efforcerai de vous préserver de toute atteinte. D'ailleurs, ajouta-t-il d'un sourire moqueur, vous serez sans doute sous la protection de votre intrépide garde du corps. Et il désignait par un mouvement de tête le chevalier de Magnac qui se tenait roide et froid sur ses longues jambes, à 4 pas derrière sa jeune maîtresse. « Foin du garde du corps !» répliqua Christine à voix basse en faisant la moue. La Roche-Boisseau cligna des yeux comme s'il méditait une malice contre l'importun, et Christine approuva par un sourire. « Eh bien, mademoiselle, reprit le baron de son ton léger, vous ne nous parlez pas de ce tendre agneau échappé si heureusement à la dent du loup et qui semble vous inspirer tant de pitié ? Comment vont ces bobos ce matin ? Je n'en sais rien, balbutia Christine qui devint cramoisie. J'aurais cru que vous seriez plus impatiente de vous informer de ces nouvelles. Hier, vous l'avez traité avec une affection qui a fort excité notre envie. Vrai Dieu ! On se laisserait déchirer, non seulement par un loup, mais par tous les lions de l'Arabie, pour mériter de reposer un instant sa tête sur votre épaule. Je ne comprends pas. Je ne sais plus ce qui s'est passé. La vue du sang m'avait troublé l'esprit. Mais vous me faites songer que ce matin, j'ai négligé de m'informer de l'état de ce pauvre blessé. Oui, sur ma foi, au milieu de tant de soins divers, je l'ai oublié, complètement oublié. » En parlant ainsi, elle se retournait à droite et à gauche d'un air embarrassé, pour échapper à l'œil perçant de son interlocuteur. En ce moment, le père Bonaventure entrait dans la salle, où se trouvaient seulement quelques dames et quelques invités trop sensibles au charme de la table. Le prieur, avec le secours de sœur Magloire et des femmes du château, avait réparé le désordre de ses vêtements de religieux. Sauf la légère pâleur empreinte sur ses traits bienveillants, rien dans son extérieur ne trahissait plus les fatigues et les émotions de la veille. Christine courut à lui. « Bonjour, révérend père, » dit-elle. « Je vois avec plaisir que vous êtes frais et reposé ce matin. Mais voici monsieur de la Roche-Boisseau, qui désire avoir des nouvelles de votre jeune parent, et je ne puis lui en donner. Si cet intérêt subi est une réparation de ses torts envers mon neveu et envers moi, » répliqua le père sèchement, « j'en remercie, monsieur le baron. Sauf un court accès de fièvre, l'état de ce pauvre enfant s'est beaucoup amélioré, et le docteur assure que d'ici à peu de jours, il n'y paraîtra plus. Mais vous, mademoiselle, poursuivit-il avec douceur en s'adressant à Christine, vous ne pouvez ignorer ce favorable changement. La chère sœur Magloire, qui est venue 3 ou 4 fois déjà dans la chambre du malade, a dû vous dire. « Est-ce que je fais attention à ce que dit sœur Magloire ?» répliqua la jeune fille avec impatience. « Vous avez tort, mademoiselle, car la sœur est une sage et discrète personne qui vous aime de tout son cœur. Mais j'avais cru reconnaître votre voix ce matin dans la galerie qui précède la chambre de Léonce. Une personne est bien religieuse, à chacune de ses sorties et s'enquérait avec bonté. « Ce n'était pas moi, ce n'était pas moi, » répliqua Christine. « Mais allons, monsieur de la Roche-Boisseau, on n'attend plus que nous. Je vais faire mes préparatifs. Je vous rejoins à l'instant. » Elle salua et sortit en courant, comme heureuse de se soustraire à une torture morale. Le baron et le père Bonaventure étaient restés en face l'un de l'autre. Le père un peu pensif, le baron radieux et triomphant. « Eh bien, mon révérend, » reprit celui-ci d'un ton moqueur, « le vent a complètement tourné depuis hier soir. Souvent femme varie, comme dit François Ier. « Bien folle et qui s'y fit ?» répliqua le moine avec un sourire, en achevant le proverbe. « Êtes-vous bien sûr, monsieur le baron, que le vent est tourné ?» La Roche-Boisseau devint rêveur à son tour. « Semble, révérend père, » demanda-t-il enfin avec colère. « Quel rôle jouez-vous donc, vous, un religieux, dans tout ceci ?»« Celui d'un humble instrument de la Providence, monsieur. Un instrument dont Dieu veut sans doute se servir pour protéger les purs et les simples de cœur contre les méchants et les superbes. » Il sortit et alla rejoindre son cher blessé. La Roche-Boisseau le suivit des yeux en hochant la tête. « Il a peut-être raison, » murmura-t-il. Peut-être, en effet, ce changement subi n'a-t-il d'autre cause que la réaction d'une pudeur exagérée contre les démonstrations exagérées d'hier au soir. Décidément, il ne faut pas perdre de temps et je vous serai. » Il allait sortir lui-même, quand il aperçut dans un coin de la salle, alors presque déserte, son ami le Gris, qui semblait l'attendre. « Le Gris, » lui dit-il à voix basse, « m'avez-vous apporté les 200 pistoles dont j'ai besoin pour faire des gratifications aux piqueurs et aux gardes ?»« Mon cher baron, » répliqua le fils de l'usurier, d'un air embarrassé, « je vous avouerai que mon père est un avare et un ladre, » interrompit la Roche-Boisseau avec dépit. « De grâce, ne vous fâchez pas. Vous lui devez déjà tant d'argent. Mais s'il vous manque, moi, votre ami, ne suis-je pas toujours à votre service ? Or mon père m'a remis pour mes menus plaisirs 40 louis, que je vous offre volontiers. » « Bien, je comprends, » dit la Roche-Boisseau, avec une légère grimace de mépris. « Enfin, j'accepte, maître le Gris. Vous remettrez cette somme à mon piqueur la ramée, et je vous en tiendrai compte la première fois que je serai heureux au jeu. Je dois convenir que vous n'êtes pas un méchant garçon, le Gris, et que vous ne ressemblez en rien à votre... Eh bien, je vais vous donner une nouvelle preuve de confiance en vous demandant encore un bon office. » « Parlez, cher baron. De quoi s'agit-il ? » « Voici. Vous vous êtes engagé, n'est-ce pas, à vous tenir constamment auprès de mademoiselle de Barjac pendant la chasse. Il est vrai, et c'est un honneur, auquel vous renoncerez. Je vous prie au contraire de vous tenir, pour aujourd'hui, le plus loin possible de notre belle sauvage et de moi. Allons, si vous l'exigez, ce n'est pas tout. Il vous faudra encore empêcher cet insupportable chevalier de maniaque ou tout autre importun de se mettre entière avec mademoiselle de Barjac et avec moi. Me promettez-vous cela, mon ami ? C'est un véritable sacrifice que vous me demandez, la Roche-Boisseau, car notre hôtesse est une ravissante créature. Enfin, je me dévouerai pour vous plaire. Mais prenez garde, mon cher baron. Quoique j'ignore votre projet, il me semble que vous engagez une grosse partie. Mademoiselle de Barjac est entourée de gens puissants, de serviteurs fidèles. Ce chevalier de Magnac, notamment, avec sa mine refrognée et ses manières ridicules, n'entendrait pas la plaisanterie. Et s'il avait des soupçons ? Il en a, et c'est pour cela que votre secours m'est nécessaire. Vous m'avez prouvé de longue date votre amitié, Le Gris, et je sais combien votre esprit est fertile en ressources. Je compte donc sur vous pour amuser ce Cerbère pendant la chasse. Et j'ai la certitude que mon espoir ne sera pas trompé. Ces flatteries, adroitement calculées, avaient pour but d'enflammer le zèle du jeune bourgeois gentilhomme. Aussi Le Gris, malgré la répugnance qu'il avait montrée d'abord, promit-il tout ce qu'on voulut, et les deux amis se séparèrent. Peu d'instants après, la Roche-Boisseau et mademoiselle de Barjac étaient à cheval dans la cour du château, lui monté sur une fine bête de race limousine, elle sur son favori bûche. Christine portait en bandoulière une élégante carabine damasquinée en or qui avait appartenu à son père. Le baron, outre son couteau de chasse, à gaine de velours bleu semé de têtes de loup en argent, était armé d'une grosse carabine de Saint-Étienne, plus remarquable par sa précision et sa portée que par la richesse des ornements. Du reste, comme il s'agissait non d'une chasse à court, mais d'une simple battue, l'ordre avait été donné que tous les chasseurs se rendraient à pied au bras brûlé, sauf le lieutenant de la Louveterie et la dame du château. Encore devait-il mettre pied à terre l'un et l'autre dès qu'on approcherait de la ligne des tireurs, afin de prévenir toute cause d'accident. Cet ordre paraissait déconcerter beaucoup le pauvre chevalier de Magnac, qui, pour raison à lui connue, eut fort souhaité de ne pas perdre de vue sa belle et imprudente maîtresse. Comme elle allait partir avec le galant louvetier, il accourut tout effaré, un joint à la main, ses maigres jambes flottant dans des guêtres trop larges, et il demanda d'un ton lugubre, presque désolé. « Mademoiselle, où devrais-je vous rejoindre ?»« Ma foi, je n'en sais rien, » répliqua Christine, qui avait peine à contenir l'ardeur de sa fringante monture. « Monsieur le baron vous le dira ?» Le chevalier adressa la même question à la Roche-Boisseau, qui répliqua distraitement. « Quelque part du côté du bois brûlé, et partout besoin sera. » Cette réponse n'était pas de nature à satisfaire Monsieur de Magnac, et il allait insister pour obtenir des indications moins vagues. On ne lui en laissa pas le temps. Le baron fit signe à Christine, et tous les deux, rendant la main à leurs chevaux, partirent au galop, après avoir salué légèrement. Encore le digne écuyer d'honneur eut-il le chagrin d'entendre l'espiègle jeune fille pousser en s'éloignant un éclat de rire moqueur. Le pauvre maniaque soupira. Cependant, il ne perdit pas courage et résolut de faire tous ses efforts pour atteindre au plus tôt la fugitive. Il se mettait déjà en marche avec cette attention quand Le Gris, galamment équipé en chasseur et le fusil sur l'épaule, s'approcha de lui. « Monsieur le chevalier, » dit-il avec courtoisie, « vous avez sans doute hâte, ainsi que moi, de rejoindre notre noble hôtesse et monsieur le lieutenant de Louveterie. Nous les retrouverons inévitablement au bois brûlé, mais comme je ne connais pas le pays, et comme je pourrais facilement m'égarer dans ces bois immenses, voudriez-vous m'accorder l'honneur de votre compagnie jusqu'au lieu du rendez-vous ?» Magnac ne manquait pas de motif pour se défier de Le Gris, qu'il savait être l'âme damnée de la Roche-Boisseau. Mais comme, après tout, cette proposition n'avait rien que de fort naturel, il répondit d'un ton cérémonieux. « L'honneur sera pour moi, monsieur. Je me mets à vos ordres. Marchons !» Et pour donner l'exemple, il partit en faisant d'énormes enjambées. Ils sortirent du château et gagnèrent la forêt, dont tous les chemins, tous les sentiers semblaient familiers à monsieur de Magnac. Déjà la plupart des chasseurs s'étaient rendus à l'endroit où devait commencer la battue. On ne rencontrait plus qu'un petit nombre de traînards, et comme un silence absolu avait été commandé à tout le monde, la forêt de Mercoire avait repris son air de solitude accoutumée. Le trajet était long, et le chevalier, malgré son zèle, n'avait plus la vigueur de la jeunesse. Aussi sa marche ne tarda-t-elle pas à se ralentir. Le Gris, qui épiait l'occasion, essaya de lier une conversation suivie. D'abord Magnac se tenait sur ses gardes et ne répondit qu'avec une politesse glaciale. Mais son compagnon de route, comme nous le savons, ne manquait ni d'adresse ni de ténacité, et il finit insensiblement par décider le bonhomme à se montrer plus communicatif. Il s'engageait dans une allée de chênes étroite et sombre, où le soleil ne semblait avoir jamais pénétré, quand le gris reprit, de son ton le plus insinuant, « En vérité, monsieur, j'ai toujours admiré qu'un gentilhomme de haute distinction tel que vous êtes, un ancien officier des armées du roi, ait pu accepter la position inférieure que vous occupez au château de Mercoire. »« Position inférieure ?» répéta le chevalier avec majesté en s'arrêtant net et en redressant sa haute taille. « Qu'entendez-vous par ces expressions, peu convenables ? En quoi ma condition présente serait-elle au-dessous de mon rang de gentilhomme ? N'ai-je pas un pouvoir absolu sur la domesticité du château ? Est-il une seule personne sur toute l'étendue de ces domaines qui osa me parler avec irrévérence ? Et quant à mes fonctions auprès de Mademoiselle de Barjac, est-ce donc déchoir que de servir une jeune dame de qualité qui, en toutes circonstances, me témoigne amitié et considération ? Sur ma foi, mon jeune cadet, si vous aviez seulement un peu de sang noble dans les veines, je vous apprendrais les égards qui me sont dus. » Le gris sentit qu'il avait fait fausse route, et il s'empressa d'apaiser l'irascible écuyer d'honneur. « Vous ne m'avez pas compris, monsieur, » dit-il doucereusement. « À Dieu ne plaise que j'aie eu la pensée de ravaler monsieur le chevalier de Magnac. Seulement je ne m'expliquais pas comment, après avoir fait si longtemps la guerre et moissonné des lauriers dans les campagnes de Flandre, vous aviez pu, vous, l'un des braves soldats de Maurice de Saxe, vous habituer à la vie tranquille de ce château. On parle souvent de vous en bon lieu, monsieur le maniaque, et je n'ignore pas que vous vous êtes vaillamment conduit à la bataille de Fontenoy il y a quelque 20 ans. Cette bataille de Fontenoy, dont le gris venait d'évoquer le souvenir, était, comme tout le monde le savait, à Mercoire, un point sur lequel le pauvre chevalier, si réservé d'ordinaire, ne manquait jamais de s'étendre avec complaisance. Aussi maniaque tressaillait-il à ce nom. Ses traits se déridèrent subitement, et il répondit en se remettant en route. « En ce cas-là, monsieur, je suis fâché qu'une méprise. Nous avons la tête chaude dans notre famille, mais cette fois j'ai tort, j'en conviens. Oui, jeune homme, on vous a dit vrai, j'étais à Fontenoy. Et peu de personnes ont vu ce que j'ai vu, car ce fut une terrible affaire, et ceux qui s'y trouvèrent commencent à n'être plus très nombreux aujourd'hui. » En même temps, il entama un interminable récit sur les marches et les contre-marches des Français avant la bataille, sur la valeur et l'habileté de Maurice de Saxe, sur le rôle décisif que joua la maison du roi dans le gain de cette journée. La glorieuse épopée était loin de toucher à son terme quand on atteignit une espèce de clairière. Quelques hommes armés de fusils se cachaient derrière les épées. On se trouvait enfin sur la ligne des tireurs. Aussitôt le chevalier s'interrompit et ne songea plus qu'à ses devoirs envers sa maîtresse. Comme il cherchait des yeux quelqu'un pour se renseigner, un garde, qui semblait avoir autorité dans cette partie du bois, s'approcha poliment. « Messieurs, dit-il à voix basse, vous ne devez pas rester ainsi en vue, car vous pourriez inquiéter la bête qui est là, dans ce taillis. »« Bien, bien, Pierre, » répondit le chevalier en reculant de quelques pas. « Nous cherchons Mademoiselle de Barjac et Monsieur le baron de la Roche-Boisseau. Où se trouvent-ils maintenant ?»« Ils ont traversé le tiré tout à l'heure, monsieur, et ils doivent être aux quatre coins. »« Il suffit. » Et Magnac, faisant signe à le gris, allait longer le bois pour se rendre à l'endroit indiqué quand le garde l'arrêta. « Pas par là, monsieur le chevalier, » dit-il. « Vous dérangeriez les tireurs, et vous risqueriez d'attraper une balle. » « Monsieur le baron a expressément défendu de franchir cette limite. Il vous faut prendre par la butte rouge. » Magnac étouffa un soupir, mais il comprenait trop bien la sagesse de ses dispositions pour les enfreindre, et revenant sur ses pas, il s'avança dans la direction indiquée. Le détour était assez long. Au bout d'un instant, le gris demanda du ton de la prière. « Eh bien, monsieur le chevalier, ne poursuivez-vous pas votre récit, qui m'a si vivement intéressé ? Vous en étiez au moment où votre régiment, le régiment de Navarre, se préparait à enlever le poste du moulin à vent. » Ainsi rappelé au souvenir de ses prouesses, le chevalier continua sa narration. Mais il était maintenant distrait, préoccupé, il regardait sans cesse autour de lui et s'interrompait fréquemment pour écouter. Cette distraction fut cause sans doute qu'il se perdit dans une foule de détails oiseux et inutiles. Toujours est-il que l'ennemi tenait encore quand les deux chasseurs arrivèrent au carrefour de la forêt qu'on appelait les quatre coins. Là, ils se trouvèrent de nouveau sur la ligne des tireurs. Dans le carrefour même, un piqueur et plusieurs domestiques gardaient les chevaux du baron et de Mademoiselle de Barjac. Mais le chef de la chasse et la belle châtelaine en étaient partis à pied, au dire des gens de service, depuis plus d'une demi-heure. « Et de quel côté ont-ils tourné ?» demanda le chevalier. « Ma foi, je ne sais pas trop, » répondit le piqueur, qui avait dans l'accent quelque chose de goguenard. Il m'a semblé pourtant qu'il gravissait le penchant de la monadière. Et il indiquait nonchalamment une montagne voisine. Le chevalier regarda de ce côté avec attention. Sur le flanc de la monadière, les arbres devenaient rares, et il cessait bien avant le sommet, qui était nu et couronné de rochers abrupts. Maintenant, une nuée blanche et immobile enveloppait la partie supérieure de la montagne et ne permettait pas de distinguer des formes humaines à cette distance. « Hum !» dit le gris à son guide, après quelques minutes d'observation. « Je crois que nos chasseurs feront bien de se hâter. Ces vapeurs s'accumulant sur la montagne annoncent sûrement un orage pour ce soir. Vous savez le dicton du pays. Quand la monadière prend son chapelle, berger, prends ton mantel. » Mais le chevalier ne s'inquiétait pas de pareils pronostics. Il avait bien d'autres soucis. Il ne savait plus de quel côté continuer ses recherches, quand un coup de feu partit de la monadière, sur la limite même de ce nuage, que les habitants du voisinage appelaient son chapelle. « C'est le signal, » dit le piqueur à demi-voix. « Monsieur de la Roche-Boisseau vient de tirer. Maintenant, attention, la battue va commencer. » En effet, de la profondeur des vallées s'éleva bientôt un bruit, encore éloigné mais étrange, discordant, sauvage, qui allait toujours croissant, et qui prit enfin les proportions d'un formidable charivari. Les rabatteurs se mettaient en marche pour débusquer la bête des fourrés où elle s'était établie, et la poussaient vers la ligne beaucoup moins bruyante, mais plus redoutable des tireurs. Ceux-ci, l'œil et l'oreille au guet, le doigt posé sur la détente de leurs fusils, se blottirent en silence derrière les buissons et les troncs d'arbres. Seuls, le chevalier et le gris demeuraient debout au milieu de la clairière. Le piqueur leur dit avec impatience « Vous ne pouvez rester ici, monsieur. Votre vue déterminerait peut-être le loup à rentrer sous bois et à revenir sur les traqueurs. Nous avons affaire à un animal madré, qui connaît toutes les finesses de son vilain métier. Cachez-vous donc, ou bien ?»« Nous partons, » dit Maniaque. « J'ai bien remarqué l'endroit de la montagne d'où M. Laroche-Boisseau a donné le signal, et je sais retrouver ma jeune maîtresse. Venez-vous, monsieur le Gris, ou voulez-vous rester ici et tenter la chance de décharger votre arme sur la terrible bête du Gévaudan ?» Le Gris était violemment tenté. Mais se rappelant les recommandations pressantes de son ami le baron, il ne montra aucune hésitation. « Je ne vous quitte pas, » répliqua-t-il. « Cependant, ne vaudrait-il pas mieux ?» Un geste à la fois impérieux et suppliant du piqueur interrompit leur conversation, et ils se hâtèrent de rentrer dans le bois. Ils suivirent alors un petit sentier, qui s'élevait en serpentant sur la croupe de la monadière. Insensiblement, la forêt s'éclaircit autour d'eux, à mesure que la pente semblait plus roide et plus escarpée. Les hautes futaies se changèrent en taillis, les taillis en arbustes et en broussailles, et enfin les voyageurs atteignirent un espace découvert, d'où ils auraient pu voir toute la contrée à plusieurs lieues à la ronde. Mais ils n'en étaient guère plus avancés. Au-dessous d'eux, montagnes et vallées étaient cachées par un luxuriant feuillage. Au-dessus de leur tête s'étalait comme un dôme la nuée blanche et lumineuse, à travers laquelle on distinguait faiblement la crête irrégulière et dentelée de la monadière. Pendant qu'ils opéraient leur ascension, le vacarme continuait au pied de la montagne. Par moments, il semblait moins fort et moins nourri. Sans doute alors les pauvres traqueurs, empêtrés dans les halliers qu'ils devaient battre pouce à pouce, avaient moins de liberté pour se livrer au charme de la musique. Mais bientôt le fracas recommençait avec une vigueur nouvelle. On eût dit de la chasse infernale qui se fait entendre, suivant la tradition populaire, dans les grands bois par les nuits de tempête. Sur cette basse lugubre se détachaient des solos de chaudron, des duos de cornes à bœuf, de brillants spizzicatis de crécelles, c'était à rendre plus sourds les sourds. En revanche, tout demeurait calme et silencieux du côté des tireurs. Pas un coup de fusil, pas un cri de taillotte ou de harlou ne retentissait. Sans doute la bête, si toutefois elle n'avait pas vidé l'enceinte, devinait, avec une finesse d'instinct assez commune chez les animaux sauvages, la tactique de ses ennemis. Et elle rusait afin de ne pas affronter leur balle meurtrière. Monsieur de Maniaque et le Gris s'arrêtèrent un moment pour respirer sur un petit plateau, couvert de bruyères et de myrtilles. Il se trouvait aux deux tiers à peu près de la montagne. Là commençait la nuée dont nous avons parlé, et à laquelle venaient incessamment se réunir de légères traînées de brouillard, sorties des gorges inférieures. À un demi-quart de lieue plus bas s'avançait la pointe extrême de la forêt, et l'on voyait, tapis dans une touffe de genêts, le dernier tireur de la ligne. Excepté ce tireur unique, immobile dans son embuscade, il n'y avait personne sur la montagne. Rien ne pouvait faire soupçonner vers quel point le baron et mademoiselle de Barjac avaient porté leurs pas. Tout à coup un faible bruit de voix humaine sortit de la brume. Le chevalier se retourna vivement, et désignant du doigt une espèce de coupure transversale formée dans le flanc de la montagne, un peu au-dessus de l'endroit où il s'était arrêté. « Par ici !» dit-il précipitamment. « J'avais oublié le ravin du creux au sanglier, où se trouve la hutte de genoux. Nous allons les retrouver là, car je viens d'entendre la voix de ma jeune maîtresse. » Il se mit à monter de toute la vitesse de ses grandes jambes. « Mais où me conduisez-vous donc ?» demanda le gris, qui avait peine à le suivre. « Vous allez voir, ils sont là, vous dis-je. » Bientôt, ils se trouvèrent sur le bord du ravin, qui était peu visible d'en bas, mais qui se creusait maintenant à leurs pieds comme un abîme. Il semblait formé par les eaux pluviales venues des cimes de la Monadière, et le fond en était jonché de pierres énormes. Cependant, les pentes, hérissées de fougères, permettaient d'y descendre sans difficulté. Ce qui étonna surtout le gris fut de voir qu'une créature humaine avait osé établir sa demeure dans ce lieu maudit. Sur le revers opposé du ravin, une espèce de grotte, creusée dans le rocher, était fermée par une clôture en tronc d'arbre, à laquelle on avait pratiqué une porte et deux lucarnes servant de fenêtres. Rien de triste et de misérable comme cette habitation placée loin des hommes, dans la région des orages et des oiseaux de proie. Comme le gris examinait cette construction bizarre, plus semblable à la tanière d'un ours qu'à la demeure d'un être humain, le bruit de voix qui les avait frappés déjà se fit entendre de nouveau, et cette fois il semblait partir de la mystérieuse hutte. « Je ne me trompais pas, » reprit le chevalier. « C'est là, j'en suis sûr. Allons vite, on dirait qu'on appelle. » En prenant le gris par le bras, il l'entraîna sur la pente herbeuse du ravin. Déjà ils en touchaient le fond, où se traînaient pesamment quelques lambeaux de brume, quand des bonds précipités ébranlèrent le sol tout près d'eux. Avant qu'ils eussent eu le temps de se retourner, un animal énorme, la gueule béante, les yeux en feu, s'élança sur eux, les renversa du choc en poussant un sourd grognement. Puis, sans leur faire d'autre mal, continua sa route vers l'extrémité du ravin. À peine la bête féroce avait-elle cessé d'être en vue qu'un formidable éclat de rire partit on ne sait d'où, comme si quelque malin démon eût applaudi à leur mésaventure. Mais ce fut seulement un peu plus tard que le chevalier et le gris se rappelèrent cette dernière circonstance. Étourdis par la charge impétueuse de l'animal, auquel ils avaient involontairement barré le chemin, ils restaient étendus à terre sans songer à se relever. Enfin ils s'y décédèrent, et le gris, le premier, recouvrant sa présence d'esprit, alla ramasser son fusil qui avait sauté à 10 pas de là. « C'est la bête du Gévaudan !» disait-il d'une voix étouffée par l'émotion. « Défendons-nous !»« Oui, c'est la bête en effet, » répliqua le chevalier en portant la main à son visage contusionné. « Et que le diable l'emporte, elle m'a donné un rude soufflet !» Mais comment aucun chasseur ne se trouvait-il là pour garder le passage? Il fut interrompu par des cris perçants suivis bientôt d'une exclamation déchirante. Qui s'élevèrent de la hutte dont nous avons parlé. Maniaque et son compagnon tressaillirent. « C'est la voix de ma maîtresse !» s'écria le chevalier. « J'ai reconnu aussi la voix du baron, » dit le gris. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement, et mademoiselle de Barjac parut sur le seuil. Christine avait la tête nue, les cheveux épars, le teint rouge et enflammé. Elle tenait à la main un couteau de chasse dont la lame était souillée de sang. En se trouvant face à face avec Maniaque et le gris, elle ne montra ni étonnement ni crainte, mais elle les regarda d'un air sombre et dit avec égarement « Vous venez trop tard, je l'ai tué. Entrez là-dedans, vous y trouverez ce beau veneur. » Elle jeta le couteau ensangleté aux pieds des deux compagnons glacés d'effroi et se mit à descendre la montagne en courant comme une folle. Fin de la section 7, lue par Stéphanie.